Chapitre 18e. Souvenir de l'armistice, et vous, image lointaine de la nuit de Mafeking, dont Boyne avait jadis été témoin à Londres, vous pâlîtes auprès de l'ovation qui s'éleva du cœur des enfants, lorsque du seuil de la salle à manger de la pension Rosenglue, il leur cria « Victoire !» Jamais, ils n'auraient imaginé que cet enfant, cela fit autant d'enfants, et qu'ils fussent capables de faire tant de bruit. Ce fut une multiplication subite de bras, de jambes, de cris autour de la table rustique. Au bout de la nappe de grosses toiles et de crochets campagnards, la scope, rigide et armée de besicles, dispensait du jambon, sans peur et sans reproche. À l'autre bout, Judith taillait et beurrait des tartines sans le moindre souvenir de sa biblique éponyme. Entre elles deux s'agitait une houle de petites têtes de toutes les couleurs qui se secouaient autour de l'auréole de Chipstone, trônant sur sa haute chaise. Terry, toujours pâle mais les yeux moins battus, décrocha sa casquette et proposa un triple hurrah auquel toute la bande fit un écho perçant. « C'est heureux que nous soyons les seuls pensionnaires, » dit l'institutrice à Boyne en lui serrant la main. « Dans ce monde étonnant, personne ne posait de questions, personne ne s'informait jamais d'aucun détail. Chacun ne pensait qu'à régaler l'ambassadeur de la tribu et à lui manifester des témoignages de gratitude depuis le baiser réservé de Blanca jusqu'aux caresses et aux embrassements étouffants de Beachy. Pour Boyne, c'était comme un bain dans une mer agitée. L'eau lui piquait les yeux, lui entrait dans la gorge et dans les oreilles. Mais au total, c'était un coup de fouet, un agréable stimulant du sang et du cerveau. « Maintenant, recommençons de l'embrasser à la ronde. C'est moi qui commence, » proposa Zini avec enthousiasme. Et en s'abandonnant une fois de plus au remous, il entendit une petite voix flûtée qui pépiait. « J'espère, Martine, que tu n'as pas oublié les cadeaux. » À mesure qu'on vieillit, on repeuple le monde de personnes de votre âge. Cette loi avait conduit Boyne à croire les relations humaines gouvernées tant bien que mal par l'expérience et la raison. Mais chaque fois qu'il reprenait pied dans l'univers des petits Water, où toute perspective cessait, et où la chose urgente n'était plus de savoir quel sort les attendait, mais quel petit cadeau Boyne leur apportait, celui-ci éprouvait la joie de faire un plongeon dans la réalité. Des cadeaux, il en avait plein une petite valise. Il y en avait pour tout le monde, excepté pour Judith, qui se tenait un peu à l'écart et affectait un air amusé de grande personne en regardant ses petites sœurs s'attifer de breloques et de colifichets. Ben jubilait d'actionner une lampe électrique. Il y avait un réticule pour l'institutrice et pour la nourrice un étui à épingle. Le fond de la valise était bourré de livres pour Terry. La distribution fut longue, et les disputes qui suivirent prirent du temps à apaiser. Le soir tombait quand Boyne pria Judith de faire un tour avec lui. Ils prirent un chemin qui gagnait les hauteurs en face des hôtels et s'élevait lentement vers les cimes où s'attardait la lueur du couchant. La jeune fille passa d'elle-même son bras sous celui de Boyne, et le contact de ce jeune corps donnait à celui-ci des ailes. Dommage que la nuit tombe si vite. Je me sens capable ce soir d'escalader un de ces pics, dit-il en respirant largement. « Eh bien, courons chercher la lampe de Ben et allons-y, » s'écria la jeune fille. « Il ne voudra jamais la donner, » dit Boyne en riant, « au moins pas le premier soir. Du reste, on est très bien ici, et nous ne manquerons pas d'occasion de grimper. C'est vrai, Martine, qu'on va nous laisser ici. » Et les jeunes mains serrèrent passionnément les siennes. « Pour le moment. Je leur ai fait comprendre que c'est ce qui vaut le mieux pour Terry. Bravo. » Et alors c'est bien entendu pour tout le monde, même pour Chip. Pour tout le monde jusqu'à la fin de l'été. Ils s'arrêtèrent et ils la regardaient en souriant dans les yeux. Seulement, il y a une condition. Les yeux bienheureux s'assombrirent. C'est, ajouta Boyne, que vous aurez affaire à moi. J'ai promis d'avoir l'œil sur vous. Vous restez? Les petites lèvres crispées avaient peine à retenir des larmes, et Boyne, penché sur ce visage d'enfant, se disait que c'était trop d'émotion pour elle. « Asseyons-nous, » dit-il, « et regardons le coucher du soleil. Ce tronc d'arbre fera une très bonne avant-scène. » Ils s'assirent et il entama le récit des négociations. C'était une entreprise beaucoup plus facile que tout à l'heure. L'auditoire était au courant. Aucun détail ne l'étonnait. Tout ce qu'il lui disait n'était pour la jeune fille que le règlement d'une situation connue et dont le résultat l'intéressait trop pour la laisser penser aux conséquences sociales. Elle écouta attentivement, et quand Boyne eut fini son rapport, se borna à demander si son père avait donné de quoi payer les dépenses de la famille. Il m'a ouvert un compte, je suis votre ministre des Finances. » Elle garda le silence. Il sentit pour la première fois une ombre sur sa pensée. Enfin, elle prit son courage à deux mains. « Est-ce que papa s'est mis très en colère à cause de cet argent ?» La question surprit Boyne. Lui aussi, il s'apercevait que dans ce conflit d'intérêts, il avait oublié la morale. Et comment dire à la jeune fille que son père n'avait fait aucune attention au vol ? Il se sentit obligé de mentir. « En colère, je le crois bien qu'il était en colère. On l'eût été à moi. » Elle baissa la voix. « Mais je vous parle de l'argent que je lui avais pris. » « Il vous pardonne pour cette fois. » « C'est vrai, c'est bien vrai, » dit-elle avec un cri de joie. Terry croyait qu'il ne voudrait jamais. Boyne se retourna vers elle avec surprise. « Vous lui avez donc raconté ?» Elle fit signe que oui. « Il fallait bien, » dit-elle. « À la bonne heure, je vous comprends. Je vous en fais mon compliment, » dit-il en lui serrant la main. Ça l'a bouleversé. Il était furieux d'abord. Ça l'a même rendu plus malade. Il ne voulait pas me croire. Il m'a dit que si je n'avais pas plus de sens moral, je finirais en prison. Boyne ne put s'empêcher de rire. Ça ne m'a pas beaucoup frappé d'ailleurs, poursuivit-elle plus gaiement, parce que je connais la vie mieux que Terry. J'ai beaucoup d'amis qui en ont fait autant et aucune n'a été en prison. Cette confidence parut moins rassurante à Boyne qu'à la jeune fille. Mais il n'était plus temps de se montrer sévère. Les paroles de remontrance expirèrent sur ses lèvres. « Le plus grave, dit-il, c'est d'avoir fait du mal à Terry. » Et la jeune fille murmura « oui », en inclinant la tête. Ils se turent. Enfin, elle demanda si les instances de divorce étaient déjà commencées. Boyne répondit qu'il le croyait, mais que tout n'était pas perdu et que les parents de Judith pouvaient encore se raviser. Elle parut incrédule. « Ce serait possible, » dit-elle, « si seulement Sibyl Ulmer n'était pas dans l'affaire. Comment appelez-vous cette femme-là par son petit nom ?» La jeune fille le regarda avec étonnement. « Je vous assure qu'elle ne s'en formaliserait pas. Tout le monde l'appelle ainsi. » Elle croyait qu'il lui reprochait de manquer d'égard pour Madame Ulmer. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. Cette femme est une telle horreur. » La jeune fille haussa les épaules avec indifférence. Il était clair que pour elle, ce mot-là ne contenait plus qu'une simple nuance défavorable. « Tout de même, j'espère que papa ne l'épousera pas. Dieu le veuille. Le fond de mon jeu, c'est que j'espère que vos parents seront malades de ne plus vous voir et qu'ils s'arrangeront pour vous garder. » Elle eut son petit sourire sceptique. « Cela ne leur arrive pas beaucoup, vous savez, les parents. Enfin, vous avez obtenu un répit, profitez-en. Mais pourquoi est-ce que vous ne dites pas « nous, Martine, profitons-en » « Bien entendu, c'est nous, chère petite, puisque je reste aussi longtemps que vous vous tiendrez comme il faut. » Ils s'étaient assis et regardaient devant eux. L'heure était venue où le soleil se couchait dans sa gloire, et tous deux, chacun à sa manière, jouissaient de ce spectacle et de sa majesté. Judith ne goûtait pas les aspects de la nature comme Rose savait le faire. Elle a eu de la peine à faire la différence entre la splendeur de ce ciel embrasé et l'éclat d'un feu d'artifice ou d'un final de ballet russe. Mais quelque chose de ce rayonnement céleste parvenait jusqu'à elle comme la protection humaine et douce d'une aile d'ange. « Il fait délicieux ici, » murmura-t-elle en mettant sa main dans celle de Boyne. Il se rappela quelques vers que Rose Sellers avait cités dans un pareil moment. « All the peaks soar, but one the rest excels. Clouds overcome it. Now yonder sparkle is the citadels, circling its summit. Les pics jaillissent, mais l'un bondit plus haut que tous les autres. Des nuages l'enveloppent. L'étoile que voilà est le phare de la citadelle qui veille sur ce sommet. Robert Browning. » Et il se récita la strophe à demi-voix. Judith se sentait gagnée par un trouble inconnu. « Comme vous savez dire les choses, Martine. Vous trouvez des mots qui ne ressemblent à ceux de personne. Terry dit que vous devriez écrire. » Peut-être, mais ces mots-là, ce n'est pas moi qui les ai trouvés le premier. » Elle parut surprise. Elle hasarda. « Qui est-ce ? Madame Sellers ? » Il sourit. « Vous brûlez. Mais Robert Browning est bon premier. » La jeune fille parut soulagée. Alors c'est elle qui lui a chipé ses vers. C'est un de ses amis ? Oui, et j'espère bien qu'il sera le vôtre un jour. Il était mort depuis longtemps quand vous n'étiez pas né. Mais vous trouverez plusieurs de ses meilleures choses dans un des livres que j'ai rapporté à Terry. « Ah, ce n'est qu'un auteur alors, » murmura-t-elle, comme si cette profession était rigoureusement posthume. Dès qu'on parlait de livres, son attention s'échappait et elle était un peu vexée de sa méprise. Mais aussitôt toute sa gaieté lui revint. « J'aime mieux vous entendre parler plutôt qu'un mort. »« Amen. Je prendrai garde à ne plus rien dire que de mon cru. » Et il se mit à regarder la lumière du crépuscule. Il se taisait. Les flots de la nuit les entouraient maintenant. Ils frissonnèrent. Boyne se releva. « Allons, mon enfant, il est temps de redescendre. »« Descendre ? Montons plutôt. » Et lui prenant le bras, elle l'entraînait de toute sa jeune force sur la pente parfumée de l'odeur des pins. Le mystère de la forêt semblait venir à leur rencontre. « J'ai envie de monter, de monter. J'ai envie de ne pas me coucher de la nuit et de rentrer à l'aube comme on revient du bal. Est-ce qu'on ne dirait pas une grande salle de bal ? Une salle de fête étincelante de mille lumières. » Boyne se laissa faire. Sur la hauteur, il soufflait un air frais comme la jeunesse, parfumé des odeurs secrètes que libère la nuit. Il se disait qu'il était grand temps de rentrer, mais le vieux vagabond, le vieil homme des montagnes et des courses dans le mystère des nuits, se réveillait en lui, retombait sous le charme des enchantements de sa jeunesse. Ce n'était plus la jeune fille, c'était la nuit elle-même qui l'invitait à l'aventure. Un instinct avertissait Judith de ne pas rompre ce silence, et ils continuaient à monter côte à côte. À mesure qu'ils s'élevaient, l'air se faisait plus pur, et au-dessus de leur tête se creusait une grande voûte bleue étoilée de clous d'or, dont les pointes blanchissaient à mesure que l'obscurité devenait plus profonde. Ils avaient dépassé les lisières de la forêt et débouchaient sur un plateau de roches. Ils aperçurent sur leurs pieds les feux du village au fond de l'entonnoir obscur des champs. Ce fut pour Boyne le rappel de l'heure et de la distance. Il donna le signal du retour. À côté de lui, sa compagne avait l'air d'un enfant à moitié endormi, qui rentre un soir de dimanche, son tablier plein de fleurs. De retour à la pension de Judith, sans oser regarder sa montre, Boyne poussa la jeune fille dans la maison avec un rapide bonsoir. Mais aussitôt, il la rappelait à voix basse. « Croyez-vous vraiment que vous seul, je n'ai pas pensé à rapporter un souvenir ?» Et il tira le petit paquet qu'il avait sorti étourdiment devant Madame Sellers. « Convenez que vous auriez été attrapé si je vous avais oublié. » Elle répondit solennellement, « J'en serais morte. »« Eh bien, ne mourrez pas et courez vite. Vous êtes affreusement en retard. » En partant pour la promenade, Boyne était à mille lieues d'avoir décidé de l'usage qu'il ferait du pendentif de cristal. C'était bien à l'intention de Judith qu'il avait choisi ce bijou. Mais depuis qu'il avait eu la maladresse de le laisser voir à Rose qu'il avait désiré, pouvait-il décemment le lui montrer au cou de la jeune fille ? Dans l'émotion de la promenade et de la nuit, il avait cessé d'hésiter. Il avait remis à la jeune fille ce modeste bijou, qui lui revenait de droit, parce qu'il était comme elle une petite chose bizarre, exquise et sans prix. Pourvu qu'elle n'aille pas le montrer au chalet, pensa-t-il lâchement en s'en revenant, et il savait très bien que ce serait naturellement la première chose qu'elle ferait. Dans le salon, Madame Sellers, en toilette de soirée, le regarda entrer. Elle repoussa une lettre qu'elle était en train de lire. Boyne se confondit en excuses. « Il est affreusement tard, je n'ai pas même eu le temps de passer à l'hôtel pour me donner un coup de brosse. » Comme il se penchait pour l'embrasser, ses yeux tombèrent sur le cadran de la pendule de voyage. « Il n'est tout de même pas plus de 9 heures. La demi seulement. J'avais peur qu'il ne fût arrivé un malheur aux enfants. Dieu merci, non. Tout va, on ne peut mieux. Mais j'avais besoin de respirer. Je voulais me nettoyer les poumons de cet air du Lido. » La porte s'ouvrit. On aperçut le dîner servi, la table éclairée aux bougies, le vin blanc qui dorait les carafes. Cela sentait les fraises et le pain de ménage. Rose prit le bras de Boyne. « Et ma nouvelle à moi, vous ne me la demandez pas. Devinez. Vous vous rappelez que je vous avais promis une surprise. Monsieur Domry s'annonce pour la semaine prochaine. »